Troisième partie, la première journée du procès. Nous sommes sur le parvis du tribunal. Alain Discret est d'abord seul, face à une caméra, un micro à la main. Peu à peu, vers le milieu de son discours, d'étranges personnages vont apparaître. Ils ressemblent, comme deux gouttes d'eau, aux objets qui viennent d'être arrêtés, mais en plus humains et en plus bêtes. Ce sont les fans des objets. Dès leur entrée, ils se bousculent devant l'objectif pour passer à la télé. Chers téléspectateurs, bienvenue sur El Chinois Déchaîné, la chaîne qui se déchaîne pour vous enchaîner. Attention, c'est du différé, c'est du différent, c'est du saubouillant, c'est du réchauffé. Je me trouve actuellement à l'un des endroits les plus observés de notre pays et même du monde entier. Le parvis du palais de justice de Saint-Gobain, où vient de se terminer la première journée du procès le plus retentissant de la décennie, voire du siècle et même du millénaire, et allons-y franchement, de l'histoire de l'humanité. Le procès des objets. En l'occurrence, il s'agit d'un groupe d'individus répondant au nom de Teuteur, Tabula, Toto, Mesure. Il vient d'apercevoir les fans et s'arrête. L'air totalement perdu. Stop ! On arrête. On va reprendre. C'est mauvais. Qu'est-ce qui se passe là ? Le train ? C'est ça ? Oui, enfin non, c'est parce que... Bon, écoute alors. Je t'ai donné cette chance de passer en différé. Le regard de mon ancienneté. Et toutes ces années à nous servir au café. Et surtout parce que Georges a fait tout mal. Mais enfin, faut que tu la saisisses la chance, parce qu'il n'y en aura pas une deuxième avant longtemps. Alors on reprend et d'une ère. Oui, mais je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? Écoute, j'irai des provinciaux qui veulent passer à l'écran, c'est ton job. Et t'en verras d'autres, je te le dis. Oui, mais là, c'est pas n'importe quel provinciaux. C'est eux. Oui, les objets. Teuteur, Toto, toute la bande. Ils se sont échappés. Je suis Teuteur. Il a dit que j'étais Teuteur. Et moi, Toto. Et toute la bande. Il nous prend pour toute la bande. Il nous prend. Vous n'êtes pas eux. Pourtant, c'est fou ce que vous leur ressemblez. Vous n'êtes pas eux. Comment ça, vous n'êtes pas eux? Je suis pas Teuteur! Je suis pas Toto! Je suis pas Mesurette! Si, si. En fait, vous les imitez. Vous êtes des fans. Des fans? Des fans? Il dit qu'on est des fans? La bande est regroupée autour du journaliste, prête à le réduire en bouillie. Que va-t-il se passer? On est des fans, on peut dire ça. Ouais, c'est sûr, on peut dire, on est des fans. Tout le monde se détend, surtout à l'indiscret. Mais la fan de Mamie Zapette semble toujours mécontente. La bande à Teuteur, c'est nos idoles. On les admire. C'est pour ça qu'on a habillé comme eux. T'as vu ça? C'est bien, hein? Elle lui montre son costume. Ah ouais, c'est parfait, vous êtes vraiment ressemblant. C'est incroyable. Mais la fan de Mamie Zapette s'approche d'Alain Discret. Non, c'est pas réglé. Répète un peu ce que tu viens de dire, toi. C'est parfait? Tu crois que c'est parfait que je sois habillée en Mamie Zapette? Tu me prends pour une fan de Mamie Zapette, c'est ça? Arrête, Marie-Thérèse. T'es une fan de Mamie Zapette. tapant sur l'épaule du journaliste. Ah oui, qu'elle est une fan de Mamie Zappé. Il a raison, Marie-Thérèse. T'es la plus grande fan de Mamie Zappé du groupe. Non. Après ce qu'elle a dit au procès, je suis plus sa fan. Mais si, tout à l'heure, t'auras oublié. Ça ira mieux. Oublier ça? Pas question. Faut le temps qu'elle digère. Mais elle est fan. Il n'y a pas de problème, elle est fan. Et qu'est-ce qu'il a foutu exactement? Donc c'est bon là, on peut continuer. Bon, alors, je pars directement à l'exposé des DD. On n'a pas le temps de reprendre le DD. On fera un montage. Alain Discret se replace devant la caméra et les fans se placent à sa droite et à sa gauche. Donc, en ouverture de séance, la présidente du tribunal, la juge, crie à l'injustine. Attends, crier à l'injustine? C'est de la famille de Crier Victoire, qui doit être en retraite maintenant. C'est sa fille, et c'est la cousine de la commissaire en mandat d'arrêt. D'ailleurs, elle se ressemble énormément, comme deux gouttes de boue. Ok, mandat d'arrêt, crier à l'injustine. Eh ben, heureusement que c'est pas des jumeaux volontaires. Mais excuse-moi, tu peux reprendre. Donc, en ouverture de séance, la présidente du tribunal, la juge crie à l'injustine, a énoncé les différents chefs d'accusation. Pour te taire, refuse de s'allumer ou de s'éteindre. Pourquoi pas que tu parles. Perte de documents. C'est faux. Absence de pilote. Menteur. Émission de virus. C'est pas vrai. Je comprends pas. Menteur. Piratage de données. C'est pas vrai. Ouais, j'en ai marre. J'arrive. Bon, écoute alors, quand on n'a pas le sens du métier, on fait autre chose. Je peux te le dire, pour ta carrière, c'est très cool. Mais il faut au moins qu'on sauve le reportage. Regarde autour de toi. Ils sont là. Ce sont des fans des objets. Ils ont sûrement assisté au procès et ils veulent parler. Vas-y, fais-leur cracher le morceau. Ils vont t'en résumer la journée. Alain Discret s'adresse aux fans de Teuteur. Bien, commençons par vous. Jean-Jacques. Attiré par le remue-ménage, un badaud s'approche. Il ressemble fortement à l'inspecteur Le Naze. Donc, Jean-Jacques, aujourd'hui les débats se sont rapidement cristallisés autour d'un mot : complexité. Ouais. Complexité des modes d'emploi, complexité des aides, complexité dans la configuration des logiciels, dans la compatibilité des matériels. Alors, votre avis? Eh ben, moi je répondrai simplement sur les modes d'emploi. Qu'est-ce qu'il a dit, Teuteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne les comprenez pas, mais nous si! Et vous, est-ce que vous les comprenez? Quoi? Eh bien, les modes d'emploi, les aides. De quoi il parle? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Ce qu'a dit Mesurette, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal ce qu'elle a dit, Mesurette. C'est quoi déjà? Vas-y. Eh ben, si c'est compliqué, c'est à cause de l'homme. Parce qu'il veut tout faire en même temps. Journaliste, bûcheron, cuisinier, prof, médecin, maçon... Et même homme. Alors qu'il sait rien faire du tout, alors c'est les objets qui doivent tout faire. Putain, il dégoûte les hommes. Moi aussi. Donc vous avez une idée pour vous-même? Oh, il va arrêter lui là. Et Bouboule aussi a dit quelque chose de bien. Les objets sont complexes parce que l'homme est complexe. Oui. Ouais, bien dit ça. Et donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette complexité? Le groupe regarde le journaliste d'un air méchant. C'est alors qu'intervient le badaud. Il faudra pourtant répondre à cette question et à toutes celles qui concernent vos amis sur leur passé, sur leur présent, sur leur futur. Comment ont-ils été fabriqués? Par quel enfant? Au prix de quelle destruction? Et surtout, pour polluer quoi et qui et comment tout au long de leur existence et même au-delà? Lorsque le tourbillon frénétique de la nouveauté et de la mise à jour permanente les aura rejetés dans le grand dépotoir. Qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur, vous voulez peut-être intervenir. Vous savez que vous ressemblez énormément à l'inspecteur Lenaze. Jusqu'à dans sa façon de parler. Vous êtes sans doute un de ses fans. Ah ouais, il ressemble à Lenaze. Ah ouais, c'est un fan de Lenaze. Je ne suis pas un fan de l'inspecteur Lenaze, je suis l'inspecteur Lenaze. Quoi? C'est l'inspecteur Lenaze, le salopard qui a arrêté la bande à toute heure et qui n'a pas arrêté de cracher sur eux depuis le début du procès. Eh ben c'est génial, on va pouvoir se le faire. Le groupe de fans entoure l'inspecteur. Celui-ci ne s'en inquiète pas. Il se contente de sortir sa carte de police. Police. La bande s'écarte immédiatement. Eh oui, la police. La police qui veille, la police qui surveille, la police qui défend tous les êtres en danger, y compris la vérité. La vérité ? Quelle vérité ? Demandez à la seule personne censée. L'inspecteur Lenaze désigne la fan de Mamie Zapette. Hé oh, c'est toi-même ! Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un compliment. Ah bon ? Bien sûr, il veut dire que vous êtes intelligente. Qui ? Moi ? Le Minitel. Oh, le Minitel. Je ne veux plus entendre parler de Mamie Zapette. Vous entendez? Je ne veux plus entendre parler d'elle. C'est malin. Elle avait presque oublié. Oublié? Comment je pourrais oublier ça? Moi, j'aimais bien Mamie Zapette. Parce que c'était la famille, quoi. La mère à la toute heure, la grand-mère de Smarty, c'était, je sais pas, moi, la famille, quoi. Ouais, c'est vrai, la famille. Et bipap, le Minitel. Comme ça. Alors moi, je veux plus en entendre parler de Mamie Zapette. Je veux plus en entendre parler. Oui, d'accord. On pourrait peut-être effectivement rappeler cette vieille histoire du Minitel qui a ressurgi en fin de journée grâce à vous, inspecteur Lenaze. Je voulais pas. Je voulais la garder pour la fin. Mais quand j'ai entendu cet antivirus-là, le dénommé Gaspard je sais pas quoi, venir dire qu'il n'avait détecté aucun malware, aucun logiciel malveillant, et que par conséquent, Tutter était moralement irréprochable. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et donc le Minitel, qui je le rappelle est un appareil connecté à un réseau ayant précédé Internet, donc... Il a été flingué par l'ordinateur. Oh, c'est totalement faux. L'ordinateur a tué le Minitel, et il l'a avoué devant témoin. Oui, effectivement, une vidéo a été visionnée montrant un témoin anonyme en contre-jour qui a déclaré que Tutter s'en était plusieurs fois vanté publiquement. Il était peut-être anonyme, le témoin, mais je trouve qu'il ressemblait drôlement à Mesurette. Quoi, Mesurette? C'est pas parce que c'est une balance que c'est une balance. Vous oubliez une chose, c'est de dire que Minitel, c'est le grand frère de Tutter. Tutter a tué son grand frère. Et qui est-ce qui lui a demandé de le faire? Sa propre mère, Mamie Zapette. La télévision, la mère de tous les écrans, a demandé à l'ordinateur de tuer le Minitel. Ouais, c'est sûr que c'est moche. Et il en est conscient. La preuve, c'est que maintenant, c'est l'écran bleu. Oui, c'est vrai. Tutter a tout à coup affiché un écran bleu, prétextant des mises à jour, ce qui a entraîné la suspension de la séance. Ouais, l'écran bleu, c'était génial. En plus, il répétait toujours la même phrase. Hé, hey, vas-y Jean-Jacques, tu fais bien. Préparation de la configuration du système d'exploitation. N'éteignez pas l'ordinateur. Hé, l'autre aussi, j'aime bien. Configuration des mises à jour du système d'exploitation. 2% effectués, n'éteignez pas l'ordinateur. Vous n'avez pas honte? Ouais, c'est sûr, c'est moche. Il peut bien faire le malin, je le tiens. Je crois en effet qu'il aura bien du mal à se sortir de ce mauvais pas.